La nouvelle est tombée, ma vie se termine sur ce vulgaire bout de papier. Je n'en reviens pas, et à chaque pas que je fais, je sais que je me rapproche peu à peu de mon décès. Ah si j'avais su, à quoi bon le mal est fait. 27 ans, et bientôt je vais y rester. Ce n'est pas un film, non, ce n'est pas la télé. Je suis bel et bien la victime, mais victime de qui? Victime de quoi? Je ne sais pas pourquoi moi. Je n'en reviens pas, et la haine monte en moi. Mais putain, comment nier cette future réalité? C'est elle qui en ce moment m'empêche de respirer. Sans moi que c'est nerveux, mais je peux pas m'en empêcher. Le ciel est-il venu me faire payer tous mes péchés? Un bar de bière et encore une autre pierre. Je vais peut-être pas guérir, mais sûrement oublier. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Je sors de cette ruelle, la nuit est tombée. Dans ma poche, je lutte pour retrouver mes clés. Je monte tant bien que mal les escaliers. Comme pour mon avenir, la porte de mon appart est fermée. J'ouvre, j'entre, je m'écroule par terre. Au passage, je fais tomber ma pendule sur le sol. Elle se brise, comme c'est brisé ma vie. Je n'ai plus la force de bouger, je me mets à pleurer un courant d'air. Ma porte s'est refermée, mon chien me lèche la joue. Mais sur ce coup-là, je m'en fous. Je n'ai plus la force de bouger, je me mets à pleurer. Toujours la même voix qui ne cesse de répéter. Bruno, tu vas crever. Bruno, tu vas crever. Bruno, tu vas crever. Et je vais tout défoncer. Le bahut, la table, la chaise, la télé. Je vais peut-être pas guérir, mais sûrement oublier. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Une semaine que je tourne comme un lion en cage. Mon corps des barreaux qui contiennent toute ma rage. Je maudis cette vie qui m'a pris en otage. Je suis le capitaine, j'assiste à mon naufrage. Hanté par un iceberg qui n'aurait jamais dû me toucher. Condamné à couler, mes volets sont fermés. Du monde je me suis coupé, et ma dernière bouteille de JB est terminée. Je veux en finir, plus la force de continuer. D'attendre que la mort veuille bien me délivrer. En fait j'ai vu comment ça se passait à la télé. La tête que moi j'aurai quand je vais y rester. Ça y est, la nouvelle est tombée. Ma vie se termine sans vulgaire bout de papier. Je ne veux pas mourir, aucunement souffrir. Pour quelques minutes de ce foutu plaisir. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester. Mais comment faire le chaos? Comment faire pour oublier? La mort coule dans mes veines, et bientôt je vais y rester.